2. La galerie des présidents. Cette première galerie est consacrée à l'histoire des sociétés qui ont participé à la construction de Safran, Gnome, Le Rhône, Gnome et Rhône et Snecma. Les portraits de leurs dirigeants sont présentés à droite. Approchez-vous du premier portrait, celui de Louis Séguin. C'est par lui que tout a commencé. En 1905, Louis Séguin créa la société Gnome, qui produisit d'abord un moteur de bateau, puis, dès 1908, des moteurs d'avion. Le portrait suivant est celui de son concurrent direct, Louis Verdet. En 1912, Louis Verdet fonda la société Le Rhône. Les deux entreprises fusionnèrent 3 ans plus tard, donnant naissance à la société Gnome et Rhône, dont Louis Verdet devint directeur général. Passons au portrait de Paul-Louis Weyer. Pilote d'exception à l'origine de la photographie aérienne, il redressa la situation financière de la société après la Première Guerre mondiale, jusqu'à en faire le leader mondial des exportations de moteurs d'avion dans l'entre-deux-guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, Gnome et Rhône fut nationalisé et donna naissance à Snecma. Avancez-vous maintenant jusqu'au portrait d'Henri Desbruères. Henri Desbruères fut l'artisan des avions d'armes après la Seconde Guerre mondiale. Il contribua au succès des turboréacteurs Attard, qui ont fait la renommée des avions militaires français. Intéressons-nous aussi à René Raveau. Dans les années 70, il fut le promoteur des moteurs destinés aux avions civils modernes. Son choix d'une coopération avec l'américain General Electric fut déterminant pour le développement de Snecma. Peut-être reconnaîtrez-vous le prochain portrait devant lequel nous allons nous arrêter ? C'est celui du capitaine d'industrie Louis Gallois, qui fut président directeur général de Snecma entre 1989 et 1992. Et qu'en est-il de Jean-Paul Béchat, un peu plus loin? Jean-Paul Béchat permit la consolidation de l'industrie des équipements aéronautiques français autour de Snecma en y intégrant les moteurs de fusées, les moteurs d'hélicoptères de Turboméca, les trains d'atterrissage de Messier-Doughty, les activités aéronautiques de Labinal et les activités de service de Sochata. En 2005, Jean-Paul Béchat fut le créateur de Safran, issu de la fusion de Sagem et de Snecma. Terminons avec le portrait de Jean-Paul Hertemans, qui donna à Safran la dimension d'un groupe international de haute technologie. Pendant son mandat, les effectifs passèrent de 30 000 à 70 000 personnes. En 2021, Olivier Andriet est nommé président directeur général du groupe. Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École des Mines, il conduit une phase de forte croissance, faisant passer les effectifs de 70 000 à plus de 100 000 collaborateurs.